Le lendemain, un peu avant le retour des chasseurs, Miss Neville, revenant d'une promenade au bord de la mer, regagnait l'auberge avec sa femme de chambre lorsqu'elle remarqua une jeune femme vêtue de noir, montée sur un cheval de petite taille, mais vigoureux, qui entrait dans la ville. Elle était suivie d'une espèce de paysan, à cheval aussi, en veste de drap brun, trouée au coude, une gourde en bandoulière, un pistolet pendant à la ceinture. À la main, un fusil, dont la crosse reposait dans une poche de cuir attachée à l'arçon de la selle. Bref, en costume complet de brigand de mélodrame ou de bourgeois corse en voyage. La beauté remarquable de la femme attira d'abord l'attention de Miss Neville. Elle paraissait avoir une vingtaine d'années. Elle était grande, blanche, les yeux bleu foncé, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. Sur la tête, elle portait ce voile de soie noire nommé mezzaro que les Génois ont introduit en Corse et qui sied si bien aux femmes. De longues nattes de cheveux châtains lui formaient comme un turban autour de la tête. Son costume était propre, mais de la plus grande simplicité. Miss Neville eut tout le temps de la considérer, car la dame au mezzaro s'était arrêtée dans la rue à questionner quelqu'un avec beaucoup d'intérêt, comme lui semblait à l'expression de ses yeux. Puis, sur la réponse qui lui fut faite, elle donna un coup de houssine à sa monture et, prenant le grand trot, ne s'arrêta qu'à la porte de l'hôtel où logeaient Sir Thomas Neville et Orso. Là, après avoir échangé quelques mots avec l'hôte, la jeune femme sauta lestement à bas de son cheval et s'assit sur un banc de pierre à côté de la porte d'entrée, tandis que son écuyer conduisait les chevaux à l'écurie. Miss Lydia passa avec son costume parisien devant l'étrangère sans qu'elle levât les yeux. Un quart d'heure après, ouvrant sa fenêtre, elle vit encore la dame au mezzaro, assise à la même place et dans la même attitude. Bientôt, parurent le colonel et Orso, revenant de la chasse. Alors, l'hôte dit quelques mots à la demoiselle en deuil et lui désigna du doigt le jeune dell'Arabia. Celle-ci rougit, se leva avec vivacité, fit quelques pas en avant, puis s'arrêta, immobile et comme interdite. Orso était tout près d'elle, la considérant avec curiosité. « Vous êtes, dit-elle d'une voix émue, Orso Antonio dell'Arabia ? Moi, je suis Colomba. »« Colomba ! » s'écria Orso. Et, la prenant dans ses bras, il l'embrassa tendrement, ce qui étonna un peu le colonel et sa fille, car, en Angleterre, on ne s'embrasse pas dans la rue. « Mon frère, dit Colomba, vous me pardonnerez si je suis venu sans votre ordre, mais j'ai appris par nos amis que vous étiez arrivé, et c'était pour moi une si grande consolation de vous voir. » Orso l'embrassa encore, puis, se tournant vers le colonel, « C'est ma sœur, dit-il, que je n'aurais jamais reconnue, si elle ne s'était nommée. Colomba, le colonel Sir Thomas Neville. Colonel, vous voudrez bien m'excuser, mais je ne pourrai avoir l'honneur de dîner avec vous aujourd'hui. Ma sœur. » Et où diable voulez-vous dîner, mon cher ? S'écria le colonel. Vous savez bien qu'il n'y a qu'un dîner dans cette maudite auberge, et il est pour nous. Mademoiselle fera grand plaisir à ma fille de se joindre à nous.